apprennent que les poètes ont disparu. Hola, soy Andrés y eso es La Chanson, el programa de Radio Francesa de Radiopolis. Dans les rues, la foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur. Sans savoir pour qui battait leur cœur. Hola, este mes pasado no es que haya llovido mucho, pero sí ha empezado a llover. En algunos sitios no llueve lo suficiente, como aquí en Andalucía, en otros llueve demasiado. Eso se debe al cambio climático, y detrás del cambio climático está la mano del ser humano. Hacemos sufrir nuestro planeta Tierra y se desregula. Sequías y ciclones, heladas y huracanes. Nuestro planeta se venga, como lo dice Ridan en su canción Objectif Terre, Objetivo Tierra, que ya la gente ha desbautizado en El pleure ma planète, llora mi planeta. Porque este tema se aprende ya en las escuelas. Ridan es el anagrama de Nadir, el nombre de este cantante, nacido cerca de París hace 44 años y con 4 discos ya a su espalda. El primero se llevó una victoria de la música, el premio de las canciones en Francia, que ya hemos comentado, en 2004. Y la canción que vamos a escuchar es del segundo. Llora, llora mi planeta, siente su final cerca y la vuelve loca. El aire puro se hace más raro que los perros, incluso dicen que están hartos. Todo eso para que un gilipollas gane millones. Pagaremos caro vuestra insolencia. Haré de vuestras ciudades un infierno más caluroso que el paraíso. Es la tierra que habla. Escuchemos Objectif Terre, que ya la gente llama Llora, enfin, El pleure ma planète, en francés, de Ridan, del año 2004. Pourquoi tu pleures? Pourquoi la terre en aura le bonheur, point c'est tout. Aujourd'hui j'ai de la chance, je suis encore là. Je vais pouvoir voir le ciel encore une fois. L'air pur ici aussi se fait si rare que même les clébards disent qu'il y en a marre de respirer cette merde à plein poumon. Tout ça pour qu'un petit con gagne des millions. C'est que notre vie de chien ne suffit bien. Pas besoin de choper le cancer des êtres humains. Nous paierons cher sans doute votre insolence. Vous jouez avec ce monde par négligence. Les frontières de vos cartes n'y feront rien. Cette terre n'est pas à nous, vous le saurez bien. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, ma planète. Dites-leur, dites-leur, dites-leur qu'ils s'en foutent. La terre en a ras-le-bol comme nous. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, ma planète. Elle sent que sa fin est proche et ça la rend folle. Dites-leur, dites-leur, dites-leur qu'ils s'en foutent. Je suis sa mère. Vous déchaînerez mes nerfs, je serai guère.

cansado de vivir en el planeta Tierra, cuna de la imbecilidad y reino del mal, en el que inventamos el odio, el racismo y la guerra. Cansado de estos hombres que mataron a los indios, masacraron las ballenas e incluso pudrieron la lluvia. Quisiera ser un árbol con la cima tan alta que ningún hombre pudiera ponerle una bandera. Escuchemos Fatigué de Renaud del año 85. Grande pour dépasser la cime du moindre peuplier, et les arbres ont le cœur infiniment plus tendre que celui des hommes qui les ont plantés. Pour toucher la sagesse qui ne viendra jamais, je changerai la sève du premier olivier contre mon sang impur d'être civilisé, responsable anonyme de tout le sang versé. Fatigué, fatigué, fatigué du mensonge et de la vérité, que je croyais si belle, que je voulais aimer, et qui est si cruel, que je m'y suis brûlé. Fatigué, fatigué, fatigué d'habiter sur la planète Terre, sur ce grain de poussière, sur ce caillou minable, sur cette fausse étoile perdue dans l'univers, berceau de la bêtise et royaume du mal, où la plus évoluée parmi les créatures a inventé la haine, le racisme et la guerre, et le pouvoir maudit qui corrompt les plus purs et amène le sage à cracher sur son frère. Fatigué, fatigué, fatigué de parler, fatigué de me taire, quand on blesse un enfant, quand on viole sa mère, fatigué, quand la moitié du monde en assassine un tiers. Indiens, massacrer les baleines et taillonner la vie, exterminer les loups ni les colliers aux chiens, qui ont même réussi à pourrir la pluie. La liste est bien trop longue de tout ce qui m'écœure, et puis l'horreur banale du moindre fait divers. Il n'y a plus assez de place dans mon cœur pour loger la révolte, le dégoût, la colère. Fatigué, fatigué, fatigué d'espérer et fatigué de croire à ces idées brandies comme des étendards, et pour lesquels tant d'hommes ont connu l'abattoir. Fatigué, fatigué. Amis des oiseaux, et puis avoir la tête si haut dans les nuages qu'aucun homme ne puisse y planter un drapeau. Je voudrais être un arbre et plonger mes racines au cœur de cette terre que j'aime tellement, et que ce putain d'homme chaque jour assassine. Je voudrais le silence enfin, et puis le vent. Fatigué, fatigué, fatigué de haïr et fatigué d'aimer, surtout ne plus rien dire, ne plus jamais crier. Fatigué des discours, des paroles sacrées. Fatigué, fatigué, fatigué de sourire, fatigué de pleurer, fatigué de chercher quelques traces d'amour dans l'océan de boue où sombre la pensée. Fatigué, fatigué. Yeah.

Las malas lenguas dicen que dejó la canción por la desafección de su público en 2015, cuando es nombrado capitán del equipo Davis de Francia, pero que lleva a la victoria. Y ha vuelto este año, a la música con su álbum número 11. Que le quiten lo bailao. La mayoría de sus discos son de oro, de diamante o de platino. El que nos interesa es Charango, que vende a más del millón de ejemplares. El título que más éxito se llevó es Aux arbres citoyens, a los árboles ciudadanos. Un evidente juego de palabras con Aux armes citoyens, el estribillo de la Marsellesa. Pasar de las armas a los árboles es una buena imagen y un feroz alegato contra la sinrazón de los humanos dirigido a los niños. El cemento se propaga hasta la montaña. De ciclones en tormentas, nuestro planeta se moja. Ya que hay que cambiar las cosas a los árboles, ciudadanos, ya es hora que propongamos un mundo para mañana. Escuchemos Aux arbres citoyens de Yannick Noah del año 2005. Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire les beaux. Remplir la balance, quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules. De squatteurs éphémères, maintenant c'est plus trop. Puisqu'il faut changer les choses. Quelques baffes à prendre, la veille est pour demain, des baffes à rendre. Faire tenir debout une armée de roseaux, plus personne à genoux fait passer le mot. C'est vrai, la terre est ronde, mais qui viendra nous dire qu'elle est pour tout le monde et les autres à venir? Puisqu'il faut changer les choses. Así ya tiene 55 años y no lo parece. ¿Será por su música o por su vitalidad? Cada 3 años, como un reloj, saca un álbum estudio desde el 92 y entonces ya tenemos el 10º. Vamos a escuchar el tema más exitoso del 6º, Totem. Se llama Je suis un homme, soy un hombre. Otro alegato feroz contra la sinrazón humana. Soy un hombre lleno de ambición, cochazo y casoplón, sentado delante de mi televisión, soy del hombre la negación, mero producto de consumación. ¿Ves? No soy un hombre, soy el rey de la ilusión, como un error de la naturaleza, y doy vueltas, y doy vueltas. Escuchemos Je suis un homme de Zazie del año 2007. Continuamos con un joven grupo nacido del encuentro en 2009 de la parisina Nino Moreau con el quebequés Joan Giansetto. Tocan y cantan en un estilo fresco, luminoso y reivindicativo y llevan dos discos. Del último vamos a escuchar Chanson climatique, canción climática. Es el calentamiento global que nos hace hervir el cerebro, este crecimiento frenético, melancolía que nos atosiga. Desde hace un par de años nos hablan del clima, unos Donald que nos tuitean que el calentamiento no existe. Hay que tomar medidas para preservar este planeta. Confiad en nosotros, vamos a encontrar la receta. Por cierto, este Donald acaba de salirse del Acuerdo de París esta semana. Escuchemos chanson climatique de Le Caribou Volant, no lo había dicho, del año 2018. Depuis la maternelle, j'entends parler d'effet de serre. La maîtresse nous disait, pensez à éteindre les lumières. C'est mieux pour la planète si on devient tous responsables. Alors faites attention, ne gaspillez pas l'eau potable. Et puis en grandissant, j'ai remarqué que les grands magasins, toute la nuit durant, laissaient allumer leurs vitrines. C'est peut-être que leurs gérants ne sont pas éco-citoyens, ou bien qu'ils sont sûrement en overdose de caféine. Sûrement en overdose de caféine. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique qui nous harcèle. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique qui nous harcèle. De la croissance, mon prof écolisait, le chômage est une évidence. Pour être compétitif, rien ne vaut quelques licenciements. Tu sais, le capitaliste fait pas dans les bons sentiments. J'ai lu 2-3 bouquins pour mieux comprendre l'économie. Thèse en vitesse, synthèse, la guerre ou la consommation. Chômeur, consommateur, est-ce la bonne alchimie? Ou peut-être que la croissance n'est pas la bonne appellation? La croissance n'est pas la bonne appellation. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique qui nous harcèle. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique qui nous harcèle. Le réchauffement n'existe pas. Il faut prendre des mesures pour préserver cette planète. Alors faites-nous confiance, on va trouver la bonne recette. Mais est-ce que la croissance peut devenir écologique? Tandis que sa terre fond, l'ours polaire survit aux zoos. On voit des pétroliers rêver de migration arctique. Se frayer un chemin entre ces continents nouveaux. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique qui nous harcèle. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique qui nous harcèle. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique qui nous harcèle. Seguimos con Calhoun, nombre artístico y apellido de Damien Calhoun, un militante ecologista y músico de slam, muy involucrado en la protección del medio ambiente porque nació en los Pirineos. A los 15 años se quedó paralítico y desde entonces canta desde su silla de rueda. Vamos a escuchar Rien ne m'appartient, nada me pertenece, cuyo clip ha rodado en un vertedero. Todo lo que poseo viene del corazón de la tierra o del fondo de los océanos. Nada me pertenece. Todo me viene de la tierra. ¿Qué habéis hecho a mi planeta madre? ¿Qué bosque vamos a arrancar para mi confort? querría quemar para alimentar, que para eso nos quedan por destruir. Con la competición nos vamos hacia atrás, nos salvamos si nos queremos. Escuchemos Rien ne m'appartient, cantado por Calune este año 2019. Alors il vient de quel horizon? Le sable qui cimente les murs de nos maisons. Il a poussé dans quel champ? Le coton avec lequel on fait nos vêtements. Et quelle source a-t-on asséché pour que de l'eau puisse couler de nos robinets? Dites-moi, quel peuple foulait ces terres avant que furent dessinées les frontières? J'ai mal à ma planète. Non loin, j'ai mal à ma planète et... Ce n'est sans doute qu'un détail, mais on a remplacé la jungle par des enclos à bétail. Et je le vois qui s'arrête aux chats et aux oiseaux. Notre amour pour les animaux, pourtant, tout ce que je possède vient de là, du cœur de la terre ou du fond des océans. Rien ne m'appartient ici-bas, sauf le moment présent. Rien n'est à moi, ni la pluie, ni le vent, ni l'avant, ni l'après, ni le temps. Rien n'est à moi, ni la pluie, ni le vent, ni l'avant, ni l'après, mais juste le présent. Rien n'est à moi, tout ne vient de la terre. Petite plante assoiffée de lumière. Rien ne m'appartient. Si nous, si seuls, perdus dans le désert. Qu'avez-vous fait à ma planète mère? Qu'avez-vous fait à ma planète? Mais qu'avez-vous fait à ma planète mère? Combien de carrières et d'usines? À quelle profondeur va-t-on creuser la terre? Dans les tunnels de quelle mine? Pour les bénéfices de combien d'actionnaires? Quelle fleur, quel arbre ou quelle forêt encore va-t-on raser pour mon confort? Quel fleuve, quelle mer pour me nourrir? Quel coin de paradis reste-t-il à détruire? Pour que je puisse allumer la lumière, quelque part les hommes ont coupé la rivière. Mais quel barrage à notre folie! Et qu'est-ce qui fait pousser notre manque d'empathie? On emporte avec nous des millions d'espèces. On se bat contre tout sauf contre nous-mêmes. Par la compétition, c'est comme ça qu'on régresse. On se sauve si on s'aime. Elle est belle notre planète ronde. Mais quand l'arbre est coupé, c'est un morceau de nous qui tombe. Rien n'est à moi, tout me vient de la terre. Petite plante assoiffée de lumière. Rien ne m'appartient. Si nu, si seul, perdu dans le désert. Qu'avez-vous fait à ma planète mère? Qu'avez-vous fait à ma planète? Rien n'est à moi, ni la pluie, ni le vent, ni l'avant, ni l'après, mais le temps. N'est à moi ni la pluie, ni le vent, ni l'avant, ni l'après, mais juste le présent. Quelle fleur, quel arbre, quelle forêt encore va-t-on raser pour mon confort? Quelle fleur, quelle mer pour me nourrir? Quel coin de paradis reste-t-il à détruire? Quelle fleur, quel arbre, quel ou quelle forêt encore va-t-on raser? Reste-t-il à détruire? Rien n'est à moi, tout me vient de la terre. Petite plante assoiffée de lumière. Rien m'appartient. Si nu, si seul, perdu dans le désert. Qu'avez-vous fait à ma planète mère? Rien n'est à moi, tout me vient de la terre. Petite plante assoiffée. Et qu'avons-nous fait à la planète? Et